Tu vois, je veux bien être gentil avec toi ce soir. Ouais. Mais là, je crois que ce soir, tu débordes des... Ah, mais il est pour tu... rien. Non, non, toi, ça, tu fermes ta gueule. Il est pour rien. Toi, quoi. Tu fermes ta gueule. Non, tu t'es... Attention, pas d'insultes à commencer comme ça, Gérard, doucement. Toi, pour un son, tu la fermes. Alors, ma grosse salope, à ton merde. Mais c'est toi, la salope, pour eux. C'est pas... Ouais, non, non, non. Non, si, c'est toi. On parlait c'est de toi. C'est toi, la loco. Ouais, ouais, mais moi, je t'emmerde. Non, ça va. Alors, si c'est lui, ça va encore. On parlait de toi, on parlait de toi, j'ai... Bien sûr. Ouais, ouais. C'est toi, la petite salope. Ouais, petite salope, j'ai pas encore, je me suis pas fait travesti. Ouais, en fait, t'aimes bien te faire sodomiser dans les chats de la loco. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce de con. Non, parce que justement, tu vois, c'est pas, ça, il parle bientôt, parce que c'est marqué vendredi dernier, Gérard C. est en effet réapparu sur les lieux de ses anciens méfaits, et il a repris comme si de rien n'était ses anciennes activités. Si, c'est plus cher. Voilà. Ouais, alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar, un truc comme ça. Je serais quoi, je suis à mort et ma gueule. Ouais. J'éteindrai mon micro, je le dirai pas à l'antenne. Ouais. Mais Fildar, il fout la merde, de toute façon. Mais ouais, non, mais attends. Toi, tu fous la merde parce que t'envoies des saloperies. Ouais, mais il avait qu'à pas le lire à l'antenne, Fildar. Non, parce que moi, il y a mais tu vois, parfois, t'as des lettres qui sont bien, qui sont pas, c'est pas toujours méchant. Mais maintenant, plus personne n'écrit. Bon, toujours est-il que, Sandy, t'as jamais fait la gueule à Pauline, pour ça. Non, c'est vrai que bon, quelque part, je suis un petit peu jalouse, mais bon. Non, c'est un jeu. Un petit peu. Beaucoup. Non. Moi, Attends, je vais dire une chose, Gérard. Non, il n'y a pas d'attente. Non, Gérard, c'est une discussion. Moi, ce que j'ai à te dire, simplement, c'est que c'est sans doute toi qui dois plus la détester que moi. Non, parce attends. Moi, bon, je l'aime. Attends, bon, toi, t'es trop jalouse. Mais oui, mais je suis jalouse. Mais j'ai déjà dit depuis plusieurs fois que je serais plus jalouse. Dorénavant, je serais normale, quoi. Voilà, surtout que c'est un métier. T'es trop jalouse, de toute manière. Mais je suis trop jalouse, mais j'ai fait des efforts. Oui, c'est vrai. Pas pour l'instant. Elle l'a bouffé que deux fois. Bah, ouais. Alors, est-ce que tu aurais dit que tu détestais Sandy, etc., et que... Il y a des choses que j'aime pas en elle, c'est tout, mais c'est sinon, je la déteste pas. Bah, déjà, quand elle coupe la parole aux gens, ça, déjà, j'aime pas trop. Là, on est d'accord, là. Mais ceci dit, on l'a appelé aujourd'hui, on avait dit à Pauline, bon, t'es pas là ce soir, d'accord, mais écoute l'émission, parce qu'il va y avoir quand même quelques critiques qui vont être faites à ton égard pour justement que ça lui donne... Ça s'améliore. Ce que j'aime pas en elle, c'est que bon, les gens y parlent et puis des conseils avant l'heure. Tu vois, elle coupe la parole, ça j'aime pas trop. Elle devrait attendre que la personne elle ait fini de parler pour pouvoir. Lève le doigt. Moi, il y a un truc. Gérard, critique, vas-y. Mais c'est pas une critique, hein. Non, mais c'est bien. C'est juste une constatation. Mais c'est grâce à des choses comme ça qu'elle va progresser. Hein. C'est grâce à des professionnels comme vous. Donc Apolline m'en veut pas trop. Hein. Mais pas du tout. Manière, tu penses, on l'embrasse. Moi, je vais te dire une chose. Sur la chatte. La fois qu'elle a remplacé Rigo sur l'internet. Ouais, ça a été. Ouais, ça m'a énervé, ça. Fildar, il était occupé sur. Sur le téléphone. Ah, et c'est puis, parce que moi Rigo, j'étais à l'AREA. Toi t'étais à l'AREA. C'est Samzel, il m'avait dit de faire l'AREA. Ouais, mais moi ce que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'elle se permet de. Devant ton micro, approche le micro à chaque fois. Non mais approche, voilà, ouais. C'est qu'elle se permet constamment d'ouvrir son micro et de dire Gérard, il y a telle personne qui veut ça. Alors que Rigo ne le fait pas. Jamais. Bah franchement, même s'il y a un auditeur qui est en pleine explication et qui le coupe, franchement, c'est un truc que tu fais jamais, Rigo. Non, c'est vrai. Non, il y a qu'un seul. J'écoute tous les débats, non. Tu le fais à peu près 10 fois. Non. C'est normal. Non, il parce le que pas. J'ouvre mon micro et Gérard regarde, il voit que j'ai mon micro ouvert et il me donne la parole. Voilà. Tandis que Apolline, que ça soit au standard, Apolline, elle se permet de garder son micro allumé alors que jeudi, tu y as fait comprendre 6 fois. 6 fois de suite, tu lui as dit d'éteindre son micro. Je lui ai dit à Pauline qui nous écoute, j'ai dit, prends exemple sur Fildar et Manu. Eux, ils savent comment. Ouais, mais de toute manière, elle est mal éduquée parce que c'est deux navets. C'est vrai qu'elle a une sale éducation avec vous au standard du coup. Alors, t'as un nounours. Est-ce qu'il fait. T'as un Blanche-Neige. Est-ce qu'il fait ce qui est normal, là. On parle des débats, mais c'est très bien pour ceux qui font de la radio parce que là, on parle d'un problème personnel, mais qui pourrait vous toucher, vous, si demain vous voulez faire de la radio, vous qui nous écoutez. C'est que Gérard, on l'a constaté avec Fildar, Manu et Rigo, c'est qu'apparemment, t'as pris le truc à bras le corps dès le départ. Et tu l'as serré dès le début, plutôt que de la laisser partir en couille, comme on fait Fildar Manu. Maintenant, on peut plus rien faire parce que c'est une mauvaise éducation, ils pourront jamais revenir dessus. T'as préféré dès le début, ce qui est normal en tant que professionnel et responsable d'émission, serrer les vis. Ah ben moi, de toute manière, tu me laisses le feu vert le jeudi. Donc le jeudi, c'est moi qui décide. Donc je dis ce que j'ai à dire. Par contre, le jeudi, ce que j'aime pas, c'est qu'elle s'amuse à allumer constamment son micro, de me couper la parole. Ouais. Quand je lui demande de raccrocher à une personne, c'est pas la peine qu'elle essaye. Faut pas reculer le micro à chaque fois. Tu le rapproches et puis tu touches. C'est pas la peine qu'elle essaye de faire comme Manu et Pildar, de prendre le combiné et de mettre sa main devant en disant je te passe sous un autre nom. Parce que ça, il est hors de question. Ouais, mais quand j'ai à la personne, tu vires. Voilà, bravo. Gérard, mais c'est bien tout. Oui, Gérard, tu es sûr que t'as pas été un peu trop dur avec elle quand même, un peu, non? Manière, pour reconnaître un petit peu que tu vois, elle sale poufiasse, tu vois, des trucs comme ouais, ça. Ouais, non, là, mais attends, mais moi je vais te dire une chose, elle a pas à dire. De toute manière, ça c'est un truc que je vais balancer à l'antenne aussi. Elle a pas besoin de dire. Ou c'est Olivier qui l'avait dit, comme quoi que j'avais été dans les chiottes avec elle. Mais ça, c'est la rigolade, ça. Moi, j'ai pas trouvé un mot. Non, mais même. Elle même l'a dit quoi, ça. C'est Olivier, je crois, qui l'a dit. Mais c'est peut-être couvert aussi, tu sais pas. Ouais, non, mais moi, je veux pas le savoir. Non, moi, depuis le temps que je suis avec Max, depuis 3 ans, ouais. Disons 4. Hein, oui, au bout de 4 ans, ça passe. Les noces de pierre, on va faire. Même à Neuilly, toutes celles qui sont venues pour essayer de voir pour le standard, il y en a deux que j'ai pas vues, mais il y en a deux qui se sont fait engueuler, dont Apolline et l'autre, je sais plus comment qu'elle s'appelait. Ah, c'est la première. Sophie. Ou Sophie. Ouais. Donc ça a été pareil. Non, mais je me souviens, parce que si Apolline avait été aux toilettes pour te voir, c'était pour t'amener du papier. Parce que t'en avais plus. Non, mais ça, faut faire attention, Fildar, à ce que tu dis. Parce que malheureusement, les jeunes, ils prennent ça pour l'autre côté de la radio. Il y a un impact considérable. Il n'y a pas eu fellation. Ah non, il n'y a rien eu. Hein. Ah bah ça va alors. Bon, ça va alors. Même pas ça... touché rectal. Il n'y a rien. Attends, t'étais pas là, toi. Qu'est-ce que ça se trouve, ça s'est fait. Non, tu veux savoir qu'il n'y a rien eu. Ça se trouve, il y en a eu. Toi, t'étais malade. Bah alors, est-ce que de quoi tu parles? Comment tu veux parler de ça? Toi, bientôt, tu as remplacé à Pauline, toi. Un jeudi sur deux, tu vas venir. Voilà. Bon, alors. Revenons maintenant, parce qu'on aura l'occasion de reparler encore avec Manu, avec Fildar, et du problème du jeudi et tout ça, d'Apolline et tout le reste. Bon alors Manu. Très simple, j'ai dormi. C'est vrai, t'as fait que ça. J'ai fait que ça. T'as rien vu, machin. J'ai regardé un peu la télé, mais bon, des conneries quoi. Bon. Et non, j'ai rien fait, mais rien du tout, hein. Bon. Dormi. Très bien. Reposer va mieux. Très bien. Voilà, bah, écoute, il y avait à peine quand j'ai donné l'antenne que déjà sur Twitter ils disaient oh là là, ça va être le moment le plus délicat du dimanche soir. Ouais, Manu qui va nous raconter son week-end. Fildar, j'imagine quand même 2-3 petits trucs, non? La croustillance. Ah bon? Non. Moi vendredi en fait j'ai fait comme Manu, j'ai dormi parce que j'étais malade. Ah ouais, c'est vrai que t'étais pas très bien, on finit des débats. Ouais. Faut dire c'est éreintant. Hein. Déjà quand on n'est pas bien physiquement, on fait les débats de Gérard, ça épuise complètement. Hein. Non, c'est clair. Donc voilà, vendredi je suis resté au chaud. Le soir en fait j'ai regardé Volteface. Parce que je l'avais jamais vu. Ah, en fait, génial. J'ai récupéré la vidéo et c'est vraiment sympa. Il y a un passage qui est fabuleux. C'est au début, c'est vrai qu'on est beaucoup plus attiré par le personnage de Nicolas Cage que Travolta. Ouais. Et quand en fin de compte, Nicolas Cage rentre dans la peau de Travolta, enfin qui reste quand même Travolta joué. Au moment donné où il y a la fameuse scène où il est avec le journal et puis là, et son visage change parce qu'on sent qu'il est devenu dans la peau de Nicolas Cage. Non mais c'est le doublement de personnages, les deux, comment ils inversent le rôle du méchant gentil, gentil méchant, c'est bien foutu. Non mais c'est bien foutu, ouais. Et des bons acteurs. Et ce qui est sympa aussi, c'est la première scène là sur l'aéroport là, quand il est avec le vent là, ouais, il se la pète un peu. Ah bah ils ont voulu faire pareil avec Puff Daddy là, quand il a fait le truc dans la voiture, c'est la même scène. Ouais. Mais moi ce que j'ai le plus aimé c'est voilà, tu prends de la coke ou quoi? J'ai le nez qui va couler. Donc là, il est là, il parle, il fait J'ai le nez qui va couler. Ouais. C'est le moment où en fait ils sont donc en fait ils ont interverti leur visage et ils se retrouvent en fait chacun de leur côté chacun d'un côté d'une glace. Et tu sais en fait ils ont plus qu'une balle, c'est à la fin, c'est pour quasiment. Et en fait ils veulent se tirer en fait dessus, mais ils ont leur reflet. Ouais, donc ils peuvent c'est vachement bien pensé, c'est faut réfléchir, c'est psychologique. Mais c'est vrai. C'est de la philo, c'est en fait faut ils se tirent dessus merde. Mais ben c'est vrai. Moi ça m'a ému. Bah voilà, bah d'ailleurs, il y a des gens sur Minitel qui réagissent effectivement comme Platini qui fait excellent en volte-face, très très bon avec Nicolas Cage et John Travolta. Hein. Ouais. John Travolta, ça veut dire quelque chose peut-être. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est qui Wiz. Hein, la pièce du samedi soir et voilà. Justement. Et qui et quoi fait cette soirée? Guiz. Guiz. Puis l'autre, je sais plus ce. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça donne la. Justement. Ouais, c'est quoi, t'as dit Night Cedar. Ouais. Et bien, en plus, je vais le voir demain. Il y a pourquoi, il y a quoi demain? Tu vas Travolta demain? Demain soir. À ouais. quelle heure? Il vient boire un thé. Il vient chez toi? Non, à 13h50, il y a. Si, il vient chez toi à 13h50. Il y a quoi demain? À 13h50, tu vas être ici, toi. Il y a quoi demain? Il y a quoi? Tu seras levé pour 13h50? Bien sûr, je serai levé. Qu'est-ce que tu me chantes, toi? Ouais, enfin, il sera levé. Ça va être encore Bibi qui va être obligé d'enregistrer. Non, Bibi, elle va pas enregistrer. C'est quoi le film? Le film, c'est Allô, maman, ici, bébé. Ah ouais, c'est bien ça. Il est super comme film. Il est génial. En plus, il joue le rôle d'un chauffeur de taxi. Mais alors, faut le voir conduire dans les rues de New York. C'est la catastrophe. On se marre d'avance. Il se tape un chantier. Aïe. Et puis la nana. Oh non, arrête, vous devez faire mot, arrêtez. C'est en hiver et tout. C'est celle qui va devenir sa femme après. Ouais, celle qui est enceinte après. Ouais. Ouais. New York, donc, en plus, ça va vous rappeler comme un film de vacances. Ah ouais, surtout les rues de New York, ça y est. C'est le taxi jaune aussi. Mmh. Hein? Taxi. On rappelle quand même que New York. Ah ouais, ouais. Ah, ça. Godzilla. Ça, c'était bien. Hein. Godzilla. Pardon. Ah, la ça me prononce bien, merde. Excuse-moi. Détail. Godzilla, c'était bien. Hein. Mmh. Surtout Godzilla. Hein. La bête. Hein. Mmh. Ah, et pareil, il y a un imbécile qui dit qu'il adore le film dont tu parles, mais qui dit que le 2 est le meilleur encore, c'est encore mieux. Mmh. Et il paraît qu'ils sont en train d'enregistrer le 3 en ce moment. Ouais, je sais pas, parce que. Faut pas dire qu'ils meurent tous à la fin, par contre. De quoi? Dans le film. Ils meurent à la fin, Travolta, ouais. Ou pas? Dans quel film? Bah, dans le film, là. Dans Allo, ici, maman bébé, il meurt pas, espèce d'ondouille. Mais si, il glisse sur un espèce de truc par terre. Mais toi, tu ferais mieux de glisser sur route. Ah, mais c'est bien, il paraît que c'est un très très très bon film, ça à voir et à revoir, franchement. Ça parle de quoi, ce film, d'ailleurs? C'est une nana qui est enceinte. Et c'est lui qui, à peu près, qui l'emmène à la clinique. Il joue un rôle super bien. Puis il l'amène au gynécologue aussi, non? Ouais. Pour voir l'état du bébé et tout ça. Ouais, parce que là. C'est fort, ce film. Non, mais faudrait que tu le regardes parce que. Il y a du scénar, hein. Faudrait que tu le regardes parce que c'est un truc à voir, à pas manquer demain, à la place des Feux de l'amour. Ah, et d'ailleurs demain à la même heure il va y avoir concurrence parce que demain il y a quand même le retour du Jedi qui passe et vers 13h30 sur France 2, 13h50 ou un truc comme ça. Ouais. Et après il repasse le retour du Jedi, enfin l'Empire contre-attaque et après le retour du Jedi, les deux, le retour du Jedi à 16h30 ou un truc comme ça, ouais, les deux. Ah ouais. Et oui, donc un bon programme en perspective, la guerre des étoiles ça commence un petit peu à chauffer, hein, on commence à mettre la pression, hein. Ouais. Hein, ça va être bien aux États-Unis. Tu vas à New York? Tu vas y aller, ouais. C'est en mai. Ouais, tu me la payes. Pour l'avant-première. Tu me la payes? Ouais, il y aura une OP. Ouais, avec ça. Ouais, tu me la payes. Ouais, c'est toi qui débourses, c'est pas trop cher. Non. Aujourd'hui, il y a des prix. J'ai vu quand même Paris-New-York, 2000 francs. Ouais, 1700 balles. Moi, 1700, t'as vu? Oh là, c'est un super sortir, là. C'est bon, il peut les débourser parce que sans arrêt, il dit paye-moi mes amendes. De toute manière, maintenant, il a plus de caisse, alors je sais pas. Tu parles des amendes à manger ou? Oh, Sandy, elle est partie, Sandy. Non, allez. Mais ça y est, toi, vas-y, tu te lâches là, ça y est, vas-y. Ouais, ça y est, je me lâche. Te lâche pas complètement quand même, Sandy, hein, dans le studio double, on a fermé quand même à double tour. Donc ce week-end. Donc en fait, donc voilà, vendredi, j'ai regardé Volte-Face, c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'Allo Maman, ici bébé, mais regardez-le quand même. Allez-y, essayez au moins, quoi. Ouais. Samedi, en fait, j'avais rendez-vous avec ma mère parce qu'en fait, c'était l'anniversaire de mon frère. Voilà. À Troyes? Non, à Paris. Enfin, j'avais rendez-vous avec ma mère à Paris pour qu'elle m'emmène à Troyes parce que c'était l'anniversaire de mon frère. Il faisait une fête demain, enfin hier soir. Donc j'y suis allé et donc on a fait la fête hier soir. La zeb. Non, enfin oui, mais bon. Il y avait pas mal de monde, donc voilà. Et vous avez fermé l'herbe du stade et tout? Non, c'était dans une salle des fêtes. Ouais. Enfin, une salle pour sourds et malentendants. Ouais. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bah en fait c'est une salle qui appartient à un comité de sourds et malentendants, mm-hmm. où ils font leurs fêtes et comme nous on les connaît, comme c'est mon oncle en fait qui tient le truc. Ah, il fait plein de trucs, ton oncle conduit des motos. Un autre oncle. Encore. Qui est sourd et muet, donc il est président de cette association. Donc ouais. En fait, ils ont une salle, ils nous la prêtent et donc on a fait la fête dedans. Je te crois pas, on va l'appeler. Mais il y a les lumières rouges qui va buper. L'autre on l'appelle. Bon c'est bon, on vous croit. Au revoir. Et donc allez, dégage toi. Dégage. Dégage Manu. Mais on peut très bien lui parler, on peut. Non mais il dit sur les lèvres, tu peux le faire venir. Bah par téléphone ça suffit. Ouais mais il faut un visiophone. Et comme ça. Bon, on embrasse très fort tous ceux qui nous entendent pas. Ouais. Et ceux qui peuvent pas nous répondre aussi. Tous les soirs, on les salue très fort. Hein, voilà. Ouais, donc c'était ses 20 ans hier, donc il y avait tous ses potes et c'était très drôle. Ça m'a rappelé mes 20 ans quand on avait fait la fête dans cette même salle. Mais parle devant ton micro. J'ai le nez bouché, ça s'entend. Ouais. Ouais, bah, on s'en fout. Donc sympa. Bah, donc sympa. Musique, et tout. Non, bah non, parce qu'ils avaient pris un DJ. Et alors, Stéphane Yves. Yves le DJ. Et alors, folklorique? Bah ouais, sympa quoi. Mais bon, il a pas capté que c'était des jeunes de 20 ans et pas des, des gens de 40 ans. Mais bon, quand même, ils ont dansé, même s'ils ont mis, enfin, même s'il a mis des trucs un peu ringards. Mmh. J'ai entendu un remix de Spaceman. Là, je sais plus comment il s'appelait le mec. Un truc. Spaceman, c'est Babylon Zoo, voilà. Ouais. Spaceman Babylon Zoo en trance. Oh là là, ça doit te donner ça. Un truc. Ignoble. Il ne crate. Il a mis ça à 22h, lui. Spaceman. Bon, c'est clair que personne ne dansait, mais bon, il s'est bien rattrapé. J'ai fait les 2-3 disques. Ah, c'est un truc. Ouais, ouais. Non, mais c'était énorme, il était sympa, Yves. Mais bon, il faisait pas ça la semaine, donc ça se sentait. Ouais. Et donc, voilà. Et donc après, le dimanche, j'ai déjeuné avec ma mère et puis je suis pris le train pour venir. Oh, ta mère! Elle va bien, elle est en forme. Ouais, super. Quand est-ce qu'elle vient une émission, là, voir un petit peu comment ça se passe, le bordel, le boui-boui, là? Bah, elle était venue à Neuilly, mais bon. Ouais, mais quand même, on l'a vu comme ça, vite fait. Non, mais le problème, c'est qu'elle vient que le week-end à Paris, donc elle peut pas venir. Un dimanche soir, là, elle resterait lundi de Pâques, là, elle aurait pu rester dimanche, non? Bah, non, parce que bon, elle préfère être à la campagne qu'à Paris. D'accord. Quoi. Le donc, Spaceman, voilà. C'est cinquième dimension, ça s'appelle, dit imbécile. Voilà. Ah bon? Ouais. C'est de la crotte. Hein. La crotte. Hein, c'est de la crotte, c'est vrai que je veux bien le croire, je veux bien le croire. Et donc voilà quoi. Bon, week-end tranquille pépère. Ouais, t'es rentré cet après-midi sous le signe du mouchoir. Ouais. Bon, ah ouais, toujours ouais, c'est enrhumé. Bah ouais. Bon, il va faire beau je crois hein, cette semaine, il devrait pas faire trop mauvais. Demain hein, sur Paname. Demain et après-demain ça devrait aller. Demain, ah ouais, même ils annoncent pour ce week-end, bon pas un temps extraordinaire, mais ça va, correct. Hein, correct. Bon, faut pas se plaindre aujourd'hui. Hein. Hein, on n'est pas les plus malheureux, comme disait Coluche, on va pas se plaindre non plus. Hein, on n'est pas les plus malheureux, voilà. Ah, moi, je veux te dire, je suis comme ça. Un t-shirt du matin au soir. Oh, ta bouche, elle te met dehors. Non, bah non, alors on va te parler, t'arrêtes pas de le dire, c'est vrai. Ah, mais moi, t-shirt, moi, je m'y connais, moi. Et j'en ai pas assez. Tu dors avec des t-shirts aussi, ou t'as un pyjama? Non, je dors avec un t-shirt. Ouais. Ouais, tu dors avec un t-shirt, ça bon, je toi, pense. Toi, tu dors avec un pull. Attends, dis donc. Non, fais pas ça, vas-y. Toi, tu dors en caleçon, pull, plus. Ouais. T'as autre chose, je sais plus quoi. Ah ouais, alors. Pull, caleçon, t-shirt, ouais. Caleçon. Non, je mets jamais de t-shirt. Jamais. Ouais, ben, tu dors avec ton truc tout déchiré. Ah, ben, il y a des trous, c'est pas de ma faute. En plus, et la culotte, elle dort avec 5 trucs. Ah, bon, et elle se quand je vais la voir dans la nuit pour y faire un petit câlin, elle me dit casse-toi, tu me tiens chaud. Ah, c'est normal, hein. Plus la couverture, plus ce que je porte. Ah, attends, il fait chaud là, vous êtes fou ou quoi? T'es folle là, tu dois crever de chaud. Moi je suis ouais, un peu, mais on est obligé d'ouvrir la fenêtre un peu, mais comme il y a les volets fermés. Et pourquoi t'enlèverais pas tout simplement une de tes trois affaires là, au lieu d'enlever, t'enlèverais un pull, t'aurais, ou la couverture, attends, t'aurais moins chaud? Quand elle dort, je t'explique pas. Et en plus, les trois quarts du temps. En plus, tu transpires, tu dois avoir chaud en plus, non? Non, c'est pas moi qui transpire, c'est toi. Ouais, ouais, toi aussi. Attends, une fois, je t'ai vu dormir. Carrément avec un pantalon en velours. N'importe quoi. Ah si. Ah, non. T'as dormi en velours cette semaine. Non, ça va pas. C'était de la mousse sur le matelas. Non, c'était un caleçon noir. T'as dû confondre avec le caleçon. T'as peut-être confondu avec une autre nana. C'est Apolline qui dort. Et ton pantalon là, en espèce de ton pantalon. Parle devant ton micro et rapproche-le. Arrête de le. Ça s'appelle un pantalon militaire. C'est fou ça. Ton pantalon militaire, tu dors avec aussi la nuit. Hein? Alors non, moi je veux te dire une chose, moi je dors pas en pantalon ni en jean. Moi je dors en slip et en t-shirt et ça me suffit. On va voir ton slip un coup là. Quand vous faites l'amour par exemple et que vous êtes à poil à un moment donné, vous êtes bien obligé comme tout le monde. Attends, je termine ce que j'ai à dire. C'est après une fois que vous avez fini l'amour, vous vous rhabillez, vous faites quoi? Vous restez à poil, vous vous endormez à poil? Non, à se rhabiller. Moi je sais pas ce que je fais, ouais, je me rhabille, ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Ouais. Non, la première chose que je fais, je prends une douche. Si, si. Quand? Ah, si, si. Ah, il a fait un gros doigté en direct. À chaque fois, tu veux prendre une douche avec moi, et moi je te dis non, je préfère prendre ma douche toute seule, tranquille. Bah, bien sûr. De toute manière, je sais même plus si tu m'aimes, alors. M'arrête. Mais qu'est-ce que tu vas raconter encore? Ceci dit, un couple commence à battre de l'aile lorsque la personne ne veut plus prendre de douche. Avec l'autre. Ouais. Les oiseaux font leur nid. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait de mon non, mais comment tu crois que tu doutes sur son amour encore quand même? Ouais. J'ai des doutes. Elle t'aime, merde. Mais arrête. Ta gueule, toi. Mais elle t'aime, c'est ça. Tu crois que je serais venu ce soir? Sinon, je serais pas venu. J'aurais mis les pieds sur la porte et puis c'est tout. Mais attends, déjà vendredi, quand je t'ai dit que Max, il nous invitait à l'écho du lac, tu m'as dit, je sais pas si je vais venir. Alors arrête. Voilà, mais j'ai dit que je savais pas. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Bah ouais. Moi, je m'en fous maintenant. Si Max, il m'invite dans une soirée, j'y vais. Tu viens pas, et c'est tout. Tu resteras là, enfermé. Tu resteras dans les quatre murs de l'appart. Ouais. Moi, maintenant. Les trois murs, il y en a un qui est tombé ce matin. Ouais, puis, toi, tu fais le quatrième. Espèce de shadok. Mais de toute façon, tu crois ce que tu veux, hein. Ouais, moi, si je te dis que j'ai envie de rester avec toi, c'est que j'ai envie de rester avec toi. Maintenant, si toi, tu vas dire autre chose que je dis à l'antenne, Moi, si le chef, il me dit on va quelque part, je le suis. Ouais. Parce que maintenant. Qu'il dit que je vais pas y aller. Pour te faire plaisir. On sait pas. On sait pas, parce que de toute manière, tu me dis plusieurs fois, comment que ça se fait qu'il y a que nous qui allons quelque part, pourquoi pas les autres? Eh ben, maintenant, tu l'as en face de toi, tu vois, il va te regarder droit dans les yeux, et tu lui demandes pourquoi nous? Pourquoi pas les autres? C'est tout. Bah oui, Max, pourquoi nous alors? Je sais pas. C'est délicat, c'est une question un peu indiscrète, hein. Non, restez, mais je préférais, si vous écoutiez pas, ça m'arrangerait, quoi. Et pour ceux qui écoutent, c'est entre Sandy et moi et Gérard. Pourquoi les gens demandent à vous voir, c'est une bonne question. Oui, mais par rapport à moi, je comprends pas pourquoi moi. Parce qu'avant, quand il était avec son ex, là, je comprends pas pourquoi moi plus qu'elle. Mais elle refait pas. Ouais. C'est pas pour être méchante. Pourquoi moi plus que les autres? Bah, disons qu'il y a déjà un truc qu'il faut savoir, parce que tu fréquentes peu les boîtes, mais déjà, il y a un problème de sécurité, déjà. À partir du moment que Christine rentre dans des boîtes, genre à ce moment-là, non, mais ça nécessite déjà, tu es obligé d'être en contact permanent avec les pompiers. Il y a un faux plancher et tout, c'est chaud. Il y a des câbles et tout. Moi, j'ai fait des fois dans des boîtes où c'était dans des. Mais il y avait de la poutre et tout au premier étage et tout. Toi. Qu'est-ce qu'il y a, Gégé? Non, sérieusement. Mais tais-toi, arrête tes conneries. Gérard, il le sait, c'est un professionnel. Gérard, il va te le dire pourquoi. Oui, pourquoi, Gégé? Alors, vas-y. Pourquoi? Parce que maintenant, à vrai dire. Tu cherches tes mots, hein, ça va pas. Hein. Non, mais si, ça va très bien, madame la marquise. Merci. Donc, pourquoi nous? C'est à lui de te répondre, mais comme apparemment il a pas... Et t'as pas une petite idée, toi, ou quelque chose, ou... Non, mais pourquoi nous, plus que Françoise ou Alain Lebec? Moi, je peux répondre, hein, c'est pas un problème, hein, je peux te dire. Dis. La différence qu'il y a, en fin de compte, c'est que les gens, ils demandent, quoi. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai de spécial par rapport aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent. Je sais pas, Gérard peut te le dire, il le sait lui. Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que non. C'est... Non, franchement, c'est pas. Elle a un gros cul. Mais non, j'ai pas dit ça, j'ai dit son corps. Mais on n'est pas le jeudi, alors fais gaffe. Non, c'était cool. Tu risques de morfler de dimanche aussi, toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est une femme, et quand les gens ils entendent une femme à l'antenne, c'est clair. Ils fantasment sur une voix, et ils ont bien envie de voir la personne. C'est normal. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais attends. Mais pourquoi, Gérard, tu sais pourquoi? Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi qu'avec Christine, tu faisais pas tout ça. Ah, là, ça va chauffer. Hein? Non, elle a peut-être pas une belle voix. Non, mais pourquoi qu'avec Christine, tu fais pas tout ce que tu fais pour nous déjà, pour commencer? Parce qu'il y avait des problèmes de normes, des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on est organisé parce qu'il y a l'OTAN et l'ONU et tout ça, donc on peut faire des belles choses, hein, on peut défendre. Christine, elle vient dans une soirée. C'est même pas ça, c'est que le mec, il est oublié pour l'assurance, c'est double. Hein. Non, mais regarde. C'est double. Regarde. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que dès que j'ai connu Christine. Ouais. Bon. Combien de fois dans les soirées tu m'as emmené? On a fait combien de soirées du temps que je la connaissais avant que je connaisse? Il est vrai. Une chose est sûre, c'est qu'à l'époque où t'étais avec Christine, dès qu'on allait dans les soirées, on disait j'espère qu'il est pas venu avec Christine. Alors que dès que t'es sorti avec Sandy, que tu venais dans les soirées, on nous demandait putain mais elle est pas là Sandy. Bah oui mais qui sait, je vais peut-être venir. Non mais ils étaient contents hein, mais ils se posaient la question que tu sois pas là. Regarde, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est l'histoire des signatures. Tu vois, il y a, elle était où, Christine? Elle était restée dans le sas. Avec moi qui était dehors pour signer. Elle était bloquée, hein. Moi, ce que je vais vous proposer, monsieur Gérard et toute l'équipe et vous qui nous écoutez, bien entendu, c'est qu'on va revenir sur ce détail d'histoire des signatures pour remettre ça dans le contexte il y a 3 ans. On racontera ça en détail pour que les auditeurs comprennent bien. Ouais, mais là, on n'est pas assez nombreux. Le jeudi, on est plus. Alors, je voudrais, c'est pas parce que c'est exceptionnel aujourd'hui qu'on soit là depuis 22 heures avec Sandy. Moi, je voudrais qu'il y ait un peu plus de monde que 150. Alors. Allez-y, foncez. Voilà, foncez, allez-y, n'ayez pas peur, hein, parce que là. On vous mange pas, de toute manière, on a déjà mangé, alors n'ayez crainte. Soyez plus sur Internet. Hein. Et bien entendu, il y a déjà des gens sur Minitel qui disent foncez et qui refont allusion au pont d'Alma. Non, mais ça, on n'en a rien à foutre du pont de l'Alma. Ouais, alors là, sur Minitel, ça y va fort, ouais, on va foncer dans le pont de l'Alma, dans le 13e poteau, enfin bon. Ouais, ouais. Ça, on s'en fout. On s'en fout, voilà, c'est d'accord. Dire, tant que c'est pas dans ailleurs, je m'en fous. Voilà. Ce qui est fait, quoi. Voilà. Non, et tout ce qui est fait n'est plus à refaire, Sandy. Voilà. Sandy, justement, tiens, qui a peu pris la parole ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Racontez-nous. Je voulais revenir sur l'histoire des signatures. Ah oui, exact. Excuse-moi, désolé. Bien sûr, t'as bien raison. On avait fait un petit happening comme ça pour nous mettre en haleine avant qu'on attaque aussi les conseils, hein, qui vont arriver d'ici 20 minutes, une demi-heure. Hein. Raconte-nous, là, c'est quoi cette histoire déjà? Faut remémoriser à l'époque de Christine. On revient donc sur ton ex Christine, parce qu'on se posait la question. Enfin, Sandy se posait la question. Pourquoi les gens préféraient Sandy à Gérard? Pourquoi vous la préférez? La réponse. Ouais, donc c'est ça que je voulais savoir, parce que tous les auditeurs... Il y en a plein qui connaissent pas Christine, donc faut réexpliquer qui c'est, et puis l'époque des photos, pourquoi on avait fait ça, et le sas, ils savent pas ce que ça veut dire le sas. Hein. Donc, tout le monde compare Sandy à Christine, ça ne sert à rien. Qui est Christine, Gérard? Pour les gens qui ne connaissent Christine, pas. Christine, c'était une nana que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de Fun Radio. T'ose pas dire que c'était ton ex, quoi. Ouais, ça a été un peu vite, bon, bref, on va... Mais si, t'es sorti avec elle. Ouais, ça a duré 4 mois, alors laisse tomber, toi ça dure 1 an et demi, bientôt 2. Ah, y a pas photo, hein. Ça se comprend. Donc, y a pas photo, de toute manière, toi, je préfère, depuis que t'es avec moi, depuis maintenant 1 an et demi, que t'es avec moi, t'as perdu facilement 13 kilos. 12-13 kilos. Ouais, à peu près, approximatif. Avant, moi, je vais pas me cacher de le dire à l'antenne, devant des millions d'auditeurs, comme Max, il t'a dit, je t'embrasse sur les deux seins, comme il te l'a fait comprendre par téléphone. Allez, vas-y, dis, mais non, change pas, vas-y, reste dans le sujet. Au départ, elle faisait du 95B, maintenant, elle fait du... 90C. 90B! Vas-y, fallait pas le dire à l'antenne. Mais alors, mais j'en ai rien à foutre, moi. Je dis ce que j'ai à dire, bah c'est attends, tout. Attends, tu crois que ça va regarder Filda, Manu ou Manu? Mais alors, de toute manière, ils veulent tous... Sandy, c'est pas grave, donne-nous la taille de sa quéquette. Entre les deux, tu vois, c'est moyen. Quoi. Entre les deux, d'accord. Mon cœur balance. Donc, revenons sur Christine. On change de sujet toutes les 5 minutes, là. Donc, les signatures. Pour en revenir à... Qu'est-ce qui fait que Sandy a plus de succès? Ouais, alors, raconte à l'époque. Donc, à l'époque que j'ai connu Christine, tu nous avais invité à Fun Radio faire une séance de dédicace. Voilà, vers 17-18h, c'était un mercredi. Voilà. Donc, il y avait énormément de gens qui étaient venus devant la radio. De monde, et on avait même terminé ensemble l'émission, on avait fait même l'émission ensemble le soir, tu m'avais dit tu restes et tout. Ouais. Donc avec Christine, peut-être qu'on organisera d'ailleurs une séance de dédicace dès qu'il fera beau là pendant les vacances ou un peu plus tard devant RTL pour faire une bonne séance de dédicace là. Hein? Donc moi c'est toi qui décides, c'est donc, pas moi. Donc il y a et donc c'est moi qui signais, tout le monde m'a demandé où était Christine. Christine, on peut pas la rater. Elle était où? Elle était du côté du standard à Neuilly. Donc à l'accueil, l'accueil. Elle était restée dans le sas. Le sas, c'est comme si tu rentrais ici. Non, mais moi, je sais, c'est pas à moi qu'il faut expliquer, c'est aux auditeurs qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un sas? Un sas, c'est de là où tu rentres et que tu demandes à voir une personne et t'as le standardiste et qu'appelle la personne concernée. Toi, Sandy, tu comprends ce qu'il dit? Oui, un petit peu, vaguement. Tu te rends compte? Alors, si déjà elle comprend pas, un auditeur qui est de l'autre côté comprend déjà, encore moins. Déjà, je comprends pas, qu'est-ce que t'avais contre elle? Parce que moi, je t'ai toujours dit, c'est, cette femme, j'ai toujours envie de la rencontrer et je. Ah non, mais toi, si, tu veux, toi, si tu veux la voir, peut-être, mais toi, sans moi. Mais attends, sans moi. Maintenant, il faut pardonner, Gérard. Non, non, moi, je. Passé sous les ponts, c'est bon, maintenant on peut y aller, non? Non, non, moi, c'est fini. Donc, hein? Christine, si tu m'entends, j'ai envie de faire ta connaissance. Voilà, peu importe comment tu es, je veux faire ta connaissance, voilà. Ouais. Et par contre, il y a un truc que je vais mettre au clair ce soir, devant tout le monde. Devant des millions de personnes. On n'a pas peur de le dire, d'ailleurs, sur Minitel, ça arrive de plus en plus, c'est devenu de la folie. Gérard, tu n'es qu'un pauvre con. Ouais, bah ça, j'en ai rien à foutre. En plus, il doit pas aimer Sandy parce qu'il s'appelle Antinin, alors. Ouais, bah, si c'est un Antinin, bah, on va refaire un débat sur les nains de jardin, s'il veut, celui-là. Sandy, 90, 60, 90, joli, waouh. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre au clair? Donc, on va mettre une chose au clair, et ça, Fildar, ouais. Au lieu de regarder ce que fait Manu, tu m'écoutes. Maintenant, le jeudi, je voudrais bien... Et, oh et... Oh tu là, je t'écoute. Non, mais il écoute, hein. T'inquiète. Ouais, je t'en regarde. Je voudrais bien qu'on évite de s'amuser à passer des trucs sur Christine ou autre. Hein? Ouais, mais pourquoi? Parce que ça commence à devenir rengaine et maintenant il y a pas mal de personnes qui commencent à zapper parce qu'ils entendent ça tout le temps. Alors non, mais ça tombe bien que vous soyez là ce soir. C'est vrai qu'on fait beaucoup sur vous ce soir. Ça zappe de plus en plus le jeudi. Ouais. Merde. Mais même moi du côté là où je suis. Agent. Non, non, mais même là, il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils commencent à zapper parce qu'ils en ont marre d'entendre tous les soirs, Gérard. Tous les jeudis. Gérard. Ah ouais. Ils en ont marre d'entendre Gérard tous les jeudis. Faites quelque chose, Fida et Manu. Mettez quelqu'un d'autre à la place de Gérard. Non, mais ils en ont marre, c'est d'entendre le truc de Christine. Ouais, ils volaient dans mon porte-monnaie, c'est ils volaient ça dans mon porte-monnaie ou ils jouissaient pas. Voilà, c'est bien dit ça. Alors ça commence à bien faire. Donc tu vois la DAT, tu fais une chose, tu la détruis parce que ça commence à devenir lourd. C'est pas possible. Et je l'ai fait greffer, j'ai fait greffer une puce dans mon cerveau. Ouais, mais et moi Rigo, il faut qu'il donne un top et c'est. Non, non, non, c'est pas Rigo, c'est vous. Il jouait pas. Non, mais ça. Faut arrêter parce que ça commence à devenir. D'ailleurs, il y a Élise, 16 ans, département 74 sur Minitel, qui a tout à fait raison, qui dit Christine, elle n'était pas belle et en plus elle faisait baisser l'audience. Bon bah ça, de toute manière, tu y as fait parler une fois dans le micro, je sais pas comment qu'on a réussi. C'est clair, ça peut être... Elle parlait, c'est déjà un bon début. Hein. Ouais, mais je vais te dire une chose que... Ah, ceci dit, c'est des bons souvenirs. Ça a été dur pour elle. Hein. Tiens, en parlant du département 74, ouais. Faire une petite parenthèse, et ça... On va juste avant qu'on raconte notre week-end, Sandy et moi. Ouais, ouais. On voulait remercier Madame René et souhaiter un happy birthday parce que Sandy n'y a pas souhaité. Happy birthday to you, Madame René. Et je voulais. On va peut-être le chanter. Je voulais faire un petit coucou. On va peut-être. D'abord, vite fait. C'est Monsieur et Madame Quillon ou une fille, comment ils l'appellent? Kilo, Sandy. Sandy Kilo. Je sais pas. Sandy Kilo. Parce que Sandy Kilo. Ah, d'accord. Sandy Kilo. Voilà. Ah ouais, elle est pas mal. elle est pas mal. Et donc, avant qu'on chante un. Un Uber Studio à Madame René. À Madame René, je voulais saluer, faire un petit coucou à Cacahuète74. Il se reconnaîtra. Cacahuète74, coucou. C'est vrai, c'est qui ce mec? C'est un auditeur qui nous appelait de temps en temps à la maison et qui m'a demandé sans arrêt de dire tu feras un petit coucou à mon père routier. D'accord. Donc, et moi je voulais dire merci Madame René et puis joyeux anniversaire voilà. On est une trentaine sur Minitel maintenant ça cartonne. South Park, Vince est également là. Il y a Chef Phil qui va d'arriver. Il y a Tara, South Park également. Ils sont tous là. Alors on va sur un bibar to you à Madame René. Hein, on va joindre à vous. Et vous qui nous écoutez, bien sûr, vous êtes là. Voilà, merci d'être attentif un petit peu plus. Et puis, ne faites pas semblant. Allez-y vraiment. Vous allez chanter avec nous. On est dimanche, on est tranquille. Demain, on ne travaille pas, donc on peut chanter un peu plus fort que d'habitude. Donc tout le monde en devra. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Madame René. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo! Ouais, c'est vrai. Là, vous êtes deux caves, hein, vous chantez même pas. On va se le refaire, merde, putain. Heureusement que Monsieur Prop nous a accompagnés sur Minitel, parce que franchement, sur Minitel, vous n'avez pas joué le jeu. Hein. Vous auriez pu au moins nous marquer Happy Birthday to You. Hein. Alors attention, on va recommencer. 3, 4. Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Happy Birthday to You, Madame René. Happy Birthday to You. Et voilà, dédié spécialement pour Madame René de Nice. Et merci Madame René pour tout ce que vous faites et puis gros bisous à vous. C'est qui cette conne? Non. C'est qui cette dame? C'est une dame qui nous avait qui nous avait envoyé bon. Un petit quelque chose. Oh là là. Dans une lettre. Oh bah que... ça, vos histoires de drogue, ça ne nous regarde pas. Parce non, mais avant, c'est ça. Elle habite Nice et alors, il y a de la très bonne cam là-bas. La poudre. La non, mais en plus, là où elle habite pas loin du palais impérial. Non, du côté du bateau qu'on avait été plus. Avec fun. Bah là, peut-être qu'elle nous verra en Zodiac. Pas loin. Ouais. Tu lui as dit qu'on descendait en Zodiac avec Madame René? Non. Bon, d'accord, ok, on lui fera, donc, on fera la surprise. C'est comme je sais qu'elle nous écoute le dimanche, donc c'était dédié spécialement pour elle. Madame René serait sur Minitel, apparemment, d'après ce qu'on me dit. Vive Madame René, Madame René viendrait sur Minitel. C'est bien. Ouais, ça, je sais pas. Donc, Madame René, si vous nous écoutez, vous êtes sur Minitel, et ben voilà. Bonne fête et Happy Birthday to you encore une fois de plus. Ouais. Voilà. C'était le jour du poisson d'avril. Là, c'est bizarre parce que j'avais envie de faire une petite vacherie, mais je me suis retenu. T'as bien fait. Ce jour-là. Comédien comme tu es, à mon avis, ça aurait marché, à mon avis. Bon, alors avant que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez fait, Sandy et Gérard, durant ce week-end, quand même, j'ai un petit cadeau, j'ai rajouté un petit bruitage. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu blessé quand tout à l'heure, Sandy nous disait qu'après l'amour, elle prenait une douche et que tu voulais y aller en dessous avec elle et qu'elle voulait pas. T'acceptes là quand même d'être sous la douche avec? Hop là, ouais, allez. Ça te fait habiller, c'est pas évident. Hein. Ça va, elle est pas trop chaude. Elle est bien là, à la bonne température là? Ouais, c'est bon là. C'est bien là, voilà, comme ça, vas-y. Bah, caressez-vous un peu, je sais pas. Gégé, tu peux me passer le savon s'il te plaît? Voilà. Non, j'en ai plus. Ah bah, on le sait, pas, des années. Ça, on le sait, ça. J'en ai pas, ça suffit. Voilà, passe-moi l'autre colonne, c'est pas grave. Tu l'as dans ton sac à dos? Non, mais dans mon sac à dos, c'est bon, ça fait 20 secondes qu'on est tout. Elle a failli commencer à être chaude, la flotte. C'est bon, tu t'es mouillé, ça suffit. Le repère de. C'est quand tu vois qu'elle commence à être chaude, il commence. T'en suis à toi. Ouais, c'est pas grave. T'es mal placé, là. T'es mal placé. Ouais, c'est vrai que là, je dois dire. C'est dommage. C'est que vous pouvez pas voir la tête qu'il a, Filda. La tête de Gérard quand il regarde Filda. C'est hallucinant. T'es mal placé. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un en face de vous et vous voulez lui parler. Comment vous expliquer pour vous faire comme Gérard? C'est que vous pointez donc face à vous le mec, vous le pointez du doigt, mais vous regardez vraiment à peu près à 40 degrés à côté, à droite ou à gauche. C'est-à-dire que vous tournez votre tête à 40 degrés sur le côté bon, côté gauche, et vous regardez côté droit. C'est très difficile. Hein. Vas-y, comment tu fais Gérard, vas-y. C'est une technique. Vas-y. Vas-y Gérard. Vas-y, pour voir un petit peu ce que ça donne. Refais-le. Au moins, tu t'es mouillé. Ta gueule. Ouais, enfin, je peux balancer de l'eau, alors c'est forcément. Bon, ta bouche à toi, Médor. Enfin, il se lave quand même, il... Ça, je pense. Je suis pas là, je dors. Enfin bref, alors ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait là? Alors, vendredi... Bon, il faut rappeler pour les conseils, on va peut-être commencer après. Hein. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, on va démarrer. Hein. Donc vendredi, comme jeudi, vu alors que je me suis couché pour savoir... Moi, j'ai dormi. Ce qui se produisait un peu dehors. Donc j'ai encore eu la visite... Comment on va, ce que j'ai dit là? J'ai essayé de mater de voir qui mettait les affiches. Ah ouais. Tu sais bien. Quelle affiche? Non mais les fameuses affiches comme je t'ai dit l'autre fois. Ah ouais, ce qu'il y a dans la batelette ou sous le paillasson. Ah oui, d'accord, ouais. Donc c'est quoi les affiches, ils mettent quoi dessus? Des saloperies du genre comme tu reçois au Momag. D'ailleurs pas mal, ceci dit, c'est pas mal. Encore. Non, il est bien. Si c'est pas trop méchant. Non, Sodomane. Sodomane, c'est bien. Oh, en plus, il y a une belle photo. Hein. Non, mais c'est un personnage, c'est une bande dessinée. On attend la suite là, avec impatience, mais c'est pas mal, ça, à mon avis. Maintenant, sinon, j'ai... Suren peut dormir tranquille, hein, entre la police qui tourne et toi qui surveille. Sinon, on a regardé, j'ai regardé la fin de Sans aucun doute, là, avec machin, truc bidule de chouette, là. Tu j'ai as bien. Regardé J'ai regardé la fin, parce qu'après, j'ai maté le foot. Moi, mm-hmm. c'était intéressant, parce que c'était sur la chirurgie esthétique. Tu vois, il y avait des gens qui faisaient se refaire les seins, ou qui se faisaient refaire la figure, ou même qui se faisaient refaire, je sais pas, un peu n'importe quoi. Mm-hmm. Et on pas de l'arnaque, ça, c'est pas de l'arnaque, c'est bien, c'est intéressant, franchement. Franchement, il y avait de l'arnaque. Il y avait des gens, ils se faisaient vachement arnaquer pour si peu. Hein. Pour les régimes, j'ai vu ça, moi, juste deux minutes sur le régime avant de partir à la loco. Là, j'ai regardé un peu, effectivement, les mecs qui. Les trucs à 600 qui vendent sur les marchés. Il y avait mieux, il y avait carrément, il y a une société allemande ou suisse qui vendait des. Qui vendent un produit, tu le mets dans les yeux pendant que tu dors, puis tu maigris. Ouais, il y en avait une, elle était complètement défigurée. Hein. Elle avait les yeux, c'était même plus des yeux qu'elle avait. Hein. Là, c'était grave pour elle. Hein. Et puis après, ben. Elle a regardé ça. Moi, j'ai maté Formule Foot. Enfin, vous n'allez pas non plus nous dire tout ce que vous avez fait heure par heure, c'est-à-dire comment vous avez regardé la télé pendant le samedi et dimanche. J'ai regardé ça et puis après. Vous avez fait une petite sortie, vous avez dit, si t'avais dit que t'avais un coup de gueule à donner ou je sais pas quoi, t'avais une émission à la télé, un reportage qui était intéressant qui t'avait. Non ouais, c'est quand c'est samedi que. Je sais plus si c'est vendredi ou samedi, je crois que c'est samedi que j'ai maté ça sur la 2, ben, dans Envoyé spécial. Pas truc, de marque Les émissions TV. Et c'est de là que, j'ai vu le président de TF1, de France 2, et bien sûr. Bickington. Et bien sûr, Fun TV, qui est depuis maintenant un an, qui fait partie de. du CCAS. Et hier. Ah bon? C'est quoi? Le CCS, c'est le Conseil d'audiovisuel. Bah merci de me l'avoir dit, parce que je ne savais pas. Tout à l'heure, je te fais ravaler ton micro, mais grave. Attends, mais c'est ça en plus, il a raison. Bah, comment ça s'appelle, tu dis? C'est CCAS. CCAS, ouais. On connaît plus peut-être ce nom de. C'est le Conseil d'audiovisuel, et donc le président, c'est Hervé Bourges. Peut-être donc, CSA, non, peut-être. Ouais, CSA, voilà. CSAS. Ah, tu connais, hein. Ouais, non, mais c'est CSA, ouais, c'est ça. C'est le CSA, et donc, C'est ça. Aujourd'hui, comme il faisait pas trop tellement il pleuvait pas, comme Fildar il veut le démentir, donc c'est faux. Donc samedi, j'ai quand même regardé Sous le soleil. Hein. Ah ouais, t'as regardé sous. Et c'était franchement bien. Hein. Parce que là. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans Sous le soleil vite fait? Alors Sous le soleil, si tu veux, il y a Laure, celle qui voulait avoir un bébé. Oui. Donc elle a adopté une petite fille, qu'elle s'est vraiment attachée à elle. Et sinon, il y a, comment elle s'appelle, l'autre, là, en fait, elle devait se remettre avec le père de sa fille, ou de son fils, je ne sais plus. Alain. Ouais, voilà, Alain. Et en fin de compte, elle s'est fait soigner par un psychiatre. Ah ouais, ben, ça, c'est la suite de... Parce que si tu veux, elle avait des problèmes émotionnels, ou je sais pas trop quoi, et en fin de compte, elle se fait suivre par un psychiatre. Ouais, mais c'est le gamin... Oula! Oh GG, qu'est-ce que t'as fait encore? Non, c'est là. Non, t'es trop fort. C'est en face. Donc, le gamin, il devient quoi alors? Bah, le gamin, il est toujours partagé entre le père, la mère. C'est bon, Fildar, tu l'as attrapé? Il avait un petit loup de nez. Et puis voilà. Ah, tiens, t'es vraiment à part, quoi! Bon, alors, là, Sous le soleil, ça s'est bien terminé. Et vous avez fait un petit tour du côté de Longchamp. Ouais. Voilà. Tu l'as fait galoper un peu. J'ai fait marcher parce qu'elle aime pas marcher. Au trop. Mais j'ai bien aimé les chevaux quand ils courent avec les mecs, comment tu les appelles là, les jockeys. Voilà, les jockeys avec la casaque bleue, casaque rouge. Non, j'aime bien, moi j'en bois beaucoup en jus d'orange du joker. Bah, de toute manière, un en bois du joker. Voilà. Non, mais sinon, aujourd'hui, il faisait un temps merde, bon, bien. Hein. Non. Attends, je vais te dire une chose, moi je suis sorti comme ça. Non, Oh, mais toi, tu dis quoi, toi? Tout le temps comme c'est un temps de merde aujourd'hui. Oh, ouais, t'as raison. Oh, t'exagères quand même. C'est toi, tu fais un temps de merde. Et dans ta ville pourrite là-bas? Dans ta ville de 3 de merde? Mais c'est où 3 exactement? 3, c'est dans l'Aube. C'est un peu de foot. C'est le départ. Oh, non, tu sais pas pourquoi. Hey, tu parles sur un autre ton, sinon je te mets mon pain dans ta gueule, toi. C'est pas grave, il l'a fait pardonner. Oh là là, tu vois, elle pardonne. Rigole, ma biquette. Attention, parce qu'on est à 10 minutes des conseils, même pas, ce serait quand même dommage que, comme chaque dimanche, ça commence à chauffer alors que tout se passait bien. Donc autant rester quand même dans. Reste zen. Non, puis demain, je sais pas quel temps tu fais, parce que comme t'es venu nous chercher, donc j'ai pas pu savoir. Il va faire bon. La météo à 5 jours, demain, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour du côté de. Il va pas neiger demain, non? Non, non, je croyais qu'il allait neiger, c'est tout. Non mais attends, ouais. T'arrêtes de fumer la moquette comme la gâte. Qu'est-ce que t'avais l'intention de faire, Gérard, avec Sandy? Demain, j'ai bien envie de t'emmener à... Un pique-nique? Ouais, mais tu sais... Non, pas... Bref, on profite que demain, pas... c'est férié pour une fois que tu travailles pas. Ah ouais? Non, mais tu vois, j'ai bien envie c'est de t'emmener à Saint-Cloud. Les barques, elle emmène-la au barque. Ah ouais, c'est à pas Boulogne. Mal, ça. À Boulogne, au barque. Ouais, faire des barques, faire des barques. Tu sais pas nager, en plus. Vous êtes fou, je vais peut-être y aller. Ah, tu sais pas nager, ben ça tombe bien. Alors, attends. Ah, ouais, là, Ah bah, attends. Alors, je sais ce que tu vas faire. Tu flottes. Tu vas te trouver un maillot de bain et... J'en ai pas. T'en as pas, ben, prends un rideau, c'est bon. T'en achètes un et mercredi, s'il fait bon, on va à la piscine. Ok. Mais je sais pas nager, ça sert à rien. Avec moi, tu sauras nager. Faut pas les prévenir parce que si la piscine municipale de Suresnes qui apprennent que vous venez à mon avis, ils vont faire la Seine, ça suffit. Moi, je vais t'apprendre à nager. Faut jamais de nabouer alors. Ça, ça dans le et moi, je est-ce que le chlore et l'urine font bon ménage, vous le saurez mercredi dans l'urine. Mais moi, tu sais ce que t'emmènes comme bouée? T'emmènes ton Casimir ou ton Titi? Non, mais mon Casimir, il prendra trop de place, donc c'est pas la peine. T'as un Casimir, toi, t'as quoi en forme de... Hein? J'ai un gros Casimir qui est à peu près grand comme ça. Quoi. Oh là là, bon, les auditeurs, montre-le bien, voir, devant, comme ça. Grand comme ça, là. Oh là, bah, je pense que tout le monde a vu, oui, il est grand. Hein, il est tout jaune. Montre bien, mais faites-le devant le micro, parce que les gens voient. J'ai mon singe. Fais-le devant le micro. Moi, tu l'as vu, mon singe? Voilà, bien dans le micro. Ouais, mais ton singe, il est pas beau. Franchement... Quoi, il te ressemble? Ouais, mais il est trop grand, tu vois, les bras, ils sont... Ah ouais, ça c'est... Ouais, mais attends, entre le singe, l'éléphant, le panda et un ours... Et il faut pas oublier aussi que t'es chez toi quand même, tu as les camions. Les camions. J'ai mes camions, ma panoplie. Et par contre, je redemande, et ça je lance à l'appel, celui qui peut m'envoyer le Magnum, le 480, le AE 480 en miniature, ça serait sympa de sa part, parce que les poteaux, merci. Moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est des peluches. Je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est des peluches en forme de cochon. Parce que si les auditeurs, vous voulez... On va te prendre en Polaroid. Et attends, t'as ramené ta bouteille d'eau? Non. Ah non, je l'ai pas. Oh merde! Elle a oublié la bouteille d'eau pour la sodomie. Ah, oh ouais, merde. Bah j'ai là, pas pensé. Et puis toi, tu me l'as pas fait penser non plus. Voilà. Bon, donc le week-end, c'est ça, c'est passé comme ça, quoi. Voilà. Tranquille, pépère, quoi. Donc vous êtes baladé. Temps de merde. Week-end de merde. Non. Il faisait bon en plus. Non, en plus quand je suis revenu, ben après j'étais faire un petit 144. Hein? 144. J'étais faire un 144. C'est-à-dire, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est. Un 144, c'est un dodo. Un apéro? Un dodo. Non, c'est une sieste. C'est plus une sieste, non? C'est quoi? Un 144, c'est dodo. C'est un dodo, c'est un petit dodo. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit dodo. Il dort beaucoup, hein, quand même, hein. Faut tenir avec les semaines. C'est vrai que. Les semaines, bon, mais il a eu des semaines difficiles, Damien. Ça bosse, putain, merde, ça raille, hein. Il peut dormir, quand même. Le fait que demain, c'est férié, ça va te chambouler ton emploi du temps, tu t'organises comment? En plus, c'est pas ouvert, l'NPO demain, merde. Ah bah oui, c'est férié. Le café. En plus, c'est cool, il avait l'intention d'y aller le 20, donc du coup, il ramasse ça la semaine prochaine. Ta fourrière, elle est ouverte pour ta merde. Elle est ouverte. Ça fait un an qu'il a plus de caisse. Au lieu de prendre ça au chef, mais il a qu'une vanne. Voilà. Il faut qu'il la renouvelle. Bon. À chaque fois, tu prends celle du chef et comment tu prends... Gérard, on va revenir. Parle plus de sa voiture, ça fait un an qu'il en a plus de sa bagnole. Ouais, mais moi, j'aime pas quand il vient nous chercher parce qu'il fait. Non, mais. Il veut faire du rallye avec sa voiture. Comment ça se passe? Quand il y a un jour férié comme ça, est-ce que ça vous perturbe, vous? Est-ce que du coup ça vous empêche de bosser, tout ça, ça vous chamboule ou pas? Non, pas moi. Non, en général, quand c'est les jours fériés, moi je dors. Soit je dors ou soit je regarde la télé. C'est tout. Toujours les jours fériés toute l'année. Mais non, moi je fais rien de spécial. C'est un peu un jour férié. Sinon, s'il fait beau, je sors, je vais me balader. Comme ça, quoi. Non, moi, jour férié, c'est vrai que c'est chiant parce que ça tombe toujours en semaine. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, parce que la preuve, c'est que, bon, à part le jeudi du 8 mai, par exemple, le 1er mai, la fête du travail, ça tombe un samedi. Et le samedi d'après, le 8, c'est aussi un samedi. Ça tombe deux samedis d'affilée. Donc, tu vois. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, les jours fériés, putain. Ouais, y a rien à faire, les jours fériés. Ah non, mais un mec comme Gérard, je sais pas, il veut monter sa boîte. Un lundi, je veux dire, non mais c'est vrai, tu perds 24 heures de boulot, c'est chiant. Non, puis même, de toute manière, moi je trouve que c'est dégueulasse. Mais tu vas faire ce que tu veux d'un jour férié, hein. Moi, bien sûr, tu veux faire goulou-goulou, toi, 24 heures sur 24. Pourquoi tu trouves ça dégueulasse? Pourquoi c'est ça, ce que tu dis? Non, moi je trouve que c'est de la merde, parce pourquoi que, en fin de compte, tu vois moins de monde. Bon, t'as pas l'habitude. Tu te reposes, dire t'es payé à rien faire, c'est pas normal. Ouais, voilà. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est le travail. C'est de voir du monde. Bon, là, ça va parce que c'est la nuit, mais sinon, la journée, j'aime bien me balader quand même. Mais les jours fériés. Justement, les jours fériés, c'est là où il y a le plus de monde qui sort. Ouais, tu peux rester en famille. Ouais, mais attends, en famille, t'as qui comme famille? T'as plus personne, regarde. Bah si, moi j'ai toujours mon père, ma soeur, et puis, non, pas mes soeurs et mes frères, parce que, non, j'ai qu'une soeur, mais j'ai toujours... Mais regarde, moi je te dis, de toute manière, ça fait combien de temps maintenant qu'on est... Maintenant, il n'y a plus personne qui vient nous voir, alors on est tout seul comme deux cons enfermés dans un KGB. Oh, 80 mètres carrés, t'exagères. 82 mètres carrés, t'exagères quand même. Mais en plus, quand je lui demande de faire un Monopoly et un Scrabble, elle me dit non. c'est jouer au Scrabble, ça. Ouais. Oh, en plus, ça triche. Non, je triche pas. Elle triche parce qu'elle m'invente des noms qui n'existent même pas dans le dictionnaire. C'est vrai. Non. Si. Je suis désolée, non. Moi, t'es mauvais joueur parce qu'à chaque fois que je joue au Scrabble avec toi, t'es pas content parce que moi, je trouve toujours des bons mots. Et puis, ouais, mais attends, je regarde dans le dictionnaire. Toi, tu es super tout le temps. Qui pas. Je regarde dans le dictionnaire, ça existe même pas ce que tu me mets. Si, il y a des mots qui existent. Non. Lequel par exemple? Tu as souvenir d'un mot qui n'existait peut-être pas et... Oh non, là je me souviens plus. Non, parce qu'il n'existe pas, donc on le retient pas forcément, donc c'est déjà une bonne preuve. Ouais, mais elle m'a sorti des mots. Et toi, c'est quoi plutôt tes mots? C'est quoi plutôt... T'es plutôt bon en quoi? En 3 lettres, 5 lettres, 4 lettres? Non, moi j'essaye de trouver par rapport à ce qu'elle met. Par exemple, comme elle met chevreau, elle croit que ça s'écrit chez... Hein? CH. Non. Si. Une fois tu m'as mis chevreau. Alors je vais te dire comment tu as écrit ça. Elle écrit ça CHEVRO. N'importe quoi. Et alors que chevreau ça s'écrit CH. J'ai du mal à croire qu'elle fait ça. VEAUX. Je fais jamais faute d'orthographe, alors c'est maintenant. Non, attends. Ouais. Quand tu me sors des noms bidons... J'ai du mal à te croire, parce que souvent, le jeudi, t'inventes des trucs sur elle, et après, elle dément en disant que c'est pas vrai, donc j'ai plutôt tendance à la croire, elle, que toi. Alors toi, par contre, les fautes, à mon avis, il doit y en avoir quelques-unes. Et comment t'écris... Il fait des fautes, lui? Ouais, lui, il oublie déjà les L, déjà. Ouais, mais ça, c'est mon problème. Ah, ça, c'est son point fort. Ça, c'est mon point fort. Voilà, c'est son problème. Non, mais sinon, c'est toi qui fais le plus de fautes. Et des fois, c'est vraiment toi qui me fais sortir des mots qui n'existent vraiment pas du tout. Non, mais c'est pour que tu rentres dans sa règle du jeu à lui. Donc, tu vois... Comme ça, tout le monde peut gagner. Et en plus, t'es mauvais joueur. Parce que quand je joue avec toi et que généralement, bon, la plupart du temps, c'est moi qui gagne, forcément. Bien sûr. Bah ouais. Je trouve les mots faciles et tout. Vas-y, elle me trouve... Ceci dit, je te vois bien t'énerver à ce moment-là, il devient mauvais joueur. Mais t'es mauvais joueur, hein, c'est incroyable. Hein. Mais attends, elle me trouve... Elle finit par gagner par 200, alors que les trois quarts du temps, ces mots, ils existent même pas dans le livre. Oh, t'es mauvais joueur, Gérard. Parce que tu regardes tout le temps, t'as un dico à côté de toi et tu regardes toujours pour savoir si c'est les bons mots. Mais t'es mauvais joueur, reconnais que dans les conseils, quand il y a eu les conseils, à chaque fois, dès qu'elle commence à prendre le dessus, tu t'énerves et ça finit mal. Alors qu'il faut être bon joueur, il faut être fair play. La vie, ça reste qu'un jeu, c'est un amusement. Et un Monopoly aussi, il faut faire des Monopolys. Ouais, en Monopoly, c'est pas trop mon top. Monopoly, c'est plutôt de mon côté. Ouais, mais c'est du hasard, ça. C'est du hasard, tu jettes les dés, donc c'est moins intellectuel. Donc c'est plus ton truc, forcément. Mais moi, quand j'y pique les Champs-Élysées et la rue de la Paix, quand j'y mets des hôtels, ça coûte plus cher. Tu piques toujours tout. Franchement, là, dès que j'ai quelque chose de bien, ça y est, tu prends tout. Et puis moi, après, je me retrouve avec quoi? Une petite maison et encore. Mais c'est normal. C'est déjà pas mal. Alors, on va attaquer puisqu'il est 23h30, donc une demi-heure balade nocturne. Non, brouhaha, toujours des corbeaux, alors que je mets quasiment plus de bruit de bruitage, maintenant j'enchaîne comme ça, j'enquille, plutôt sympa. On va fêter la 25e, c'est dans tout juste une demi-heure, et j'espère que vous resterez là avec nous. Et puis comme les jeudis, tous les 15 jours, il y a les conseils de Gérard et Sandy, et comme il est l'heure, Les conseils de Gégé et Sandy. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rigaud, bonsoir Gérard, bonsoir Filda. Salut, on vient d'arriver, on est crevés. Salut Gérard. Donc, c'est les conseils de Gérard et Sandy. Et là, c'est moi qui va annoncer donc l'auditrice que nous allons avoir pour un conseil. Donc, nous allons accueillir Sylvie, 20 ans, d'Arras. Allô. Ah oui, attends, c'est peut-être... Allô Sylvie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va pas très bien justement. Oui. Et c'est pour ça que je vous appelle. Alors vas-y, explique-nous ton problème. Bien. Je suis complètement enrhumée. Et en fait, j'ai pas vraiment d'argent pour aller chez le médecin. En plus, c'est férié. Mmh. Ouais. Et j'aimerais savoir si vous avez des vieilles recettes de grand-mère pour que je me soigne. Alors moi, il y a un truc qui marche franchement bien. Ouais. C'est tu mets une serviette autour de te, de ta tête. Hein? Excuse-moi. Non, mais il y a pas de mal. Oui. C'est rare aussi. Hein, ouais. Tu mets une serviette autour de, enfin sur ta tête, oui. Et tu fais de l'inhalation ou je sais pas, c'est un truc comme ça que ça s'appelle. L'inhalation. Qui consiste à respirer de la fumée en fin de compte. Et je fais quoi? De la fumée, c'est du rhum avec mélangé avec du. Avec du cognac, je crois. Oula. Ah non, c'est pas ça, non. Je sais pas, c'était un remède de grand-mère, non. Mais là... Non, non, attends. Déjà, pour commencer, c'est pas parce qu'elle a pas de sous que c'est Perrier qu'elle peut pas aller voir un médecin. Les hôpitaux, il y a des services d'urgence qui sont gratuits. Je veux pas aller aux urgences parce que j'ai un gros rhume. Mais t'as Pas d'argent. Et t'as pas d'argent. Non, mais attends, tu peux quand même... déjà, t'as quand même de la famille. Oui, mais non, mais pas près de moi. Bah, ils sont où? Ils sont, mes parents sont partis en week-end et ils m'ont pas laissé d'argent. Mais c'est quoi que t'as exactement comme maladie? C'est grave ou pas? J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, ouais. J'ai mal au nez, ouais. J'ai le nez tout pris et j'arrête pas de tousser. Et dans ta boîte à pharmacie, t'as pas de sirop ou t'as pas de goutte ou... Non, j'ai que du truc pour les yeux. Et dans ta boîte à caca ou... Des trucs pour les yeux, bah ouais. Mais non, là, mais attends, des gouttes pour les yeux, ça risque pas de se faire, hein. Non, je pense pas. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire de l'inhalation par l'intermédiaire avec une serviette. Tu mets la serviette sur ta tête et puis tu prends un genre comme de bol. Comme quand on sort de la douche. Comment? Non. Tu prends un bol rempli de... Tu fais de... D'eau bouillante. D'eau bouillante avec la serviette. Et tu mets du rhum dedans et tu... Uniquement qu'avec de l'eau. Uniquement avec de l'eau. Non, on met ça avec du rhum, je pense. Hein. Non, ça... Enfin, en tout cas, tu mets quelque chose dans le bol. Bah, hein. Dans ces cas-là, moi, si elle est vraiment trop malade, et si elle a vrai... T'as quand même un thermomètre chez toi? Ouais, j'ai 38,2. Oula. 38,2. Et t'as pas d'aspirine? Non, 38,2, c'est bon. C'est bon. 38,2, c'est pas beaucoup de température. Hein. Ah, si, c'est beaucoup quand même. Non. Attends. C'est la limite, mais niette. Hein. C'est pas trop. Hein. Mais sinon, t'as pas d'aspirine chez toi? J'ai pris le dernier hier. Ah. Mais attends, t'avales combien d'aspirine par jour, toi? J'en prends 3. Ouais, ouais, c'est un peu beaucoup, ça va hein. Pas, là. Normalement, faut que t'en prennes un ou deux maximum, mais pas 3. C'est un maximum, tu vois. Attends. Non, 2 si t'es vraiment malade. Non, je suis pas d'accord avec toi. Le maximum, c'est 1. Combien? 3? 4? Pourquoi 4? Pourquoi pas le tube? Pourquoi pas 20, toi aussi, ton tuyau? Non, mais voilà, moi, je peux te conseiller de faire de l'inhalation par l'intermédiaire, comme je t'ai expliqué, là. Ouais, tu peux m'expliquer le coup de la serviette? J'ai pas compris, là. Bon, la serviette, autour de toi, autour de tes yeux, de ton nez. Sur sa tête. La douche? Non. Elle la met sur sa tête, d'abord, pour commencer. Non, pour commencer, elle prend son bol. Ouais. Elle se met comme ça et elle met la serviette ici. Ah d'accord. Et là. Bon, d'accord. D'accord, on mais a tout par compris. Contre, ton histoire d'aspirine, laisse tomber. Je crois que tu vas un peu loin là-dessus. Hein. Mais je pense que si la pharmacie elle est ouverte demain, tu peux peut-être aller en chercher. Bon, ça coûte pas trop cher hein, les aspirines. Hein. Non mais il y a une pharmacie de garde. Ouais, mais ça coûte pas trop cher, hein. Ça coûte 12 balles, un truc comme ça. Hein. Oh non. 12 balles, j'ai pas 12 balles, c'est ça le problème. Ils vont rien laisser. Et tu peux pas demander à quelqu'un ou même un voisin, peut-être un aspirine. Je vais aller faire la manche et je vais voir si je peux avoir 12 balles. Non. Moi, je te le déconseille. Je te le déconseille, franchement. Voilà, moi, c'est ce que je peux te conseiller. Hein. Bon, Gérard, je sais pas si t'as d'autres idées à lui proposer. Non, mais la seule idée, c'est... Bon, si apparemment, elle veut pas appeler le médecin comme elle a peur des médecins... Mais ça, c'est un remède de grand-mère. Hein. Tu vois, tu mets la serviette et tu non, mais le mieux, c'est qu'elle a... t'as quand même un hôpital vers chez toi, à Arras. Oui. Bon, bah, tu vas aux urgences et ils vont te dire... Ils vont te dire... l'aspirine. Ben, tu vas aller voir, tu leur expliques ce que t'as, c'est tout. D'accord. Ben, vas-y pas la tête... Dans la serviette. Mais non, t'as la sécurité sociale ou pas? Oui, oui. Donc c'est bon, tu seras remboursé de toute façon. Hein. Mais il faut avancer l'argent et j'ai pas d'argent. Non. Bah oui, non, c'est non. Ça le problème. Non, à l'hôpital, t'avances pas d'argent, tu donnes ta carte de sécu et tu payes rien du tout. Si je crois, on paye après, une fois que la visite est passée. Aux urgences, les urgences, c'est gratuit. Tu donnes que le sein, tu présentes ta carte de sécu et c'est tout. Okay. Tu sais bien comment que ça a fait pour mon genou. Ouais, bah je sais, j'étais avec toi donc. Bon, voilà. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait te conseiller. Voilà Virginie. D'accord, c'est Sylvie, mais c'est pas grave. C'est Sylvie, pardon. Bah je vous remercie beaucoup. Bah bonne soirée à toi Sylvie, hein, et puis bon courage. Hein. Merci Sandy, merci Gérard et merci Bax. Sandy, hein. Eh, c'est Sandy, c'est pas. Non, mais elle a rhumé, c'est peut-être pour ça aussi, hein, qu'elle s'appelle Handy, c'est pour ça. Bonne nuit à toi. Pour les gens rhumés, c'est Handy, c'est pas Sandy. Bah ouais, quand t'as rhumé, tu parles du nez, bravo, Randy, bon, par contre, quand t'annonces la personne de la ville, tu précises bien la fréquence où qu'on était. Ah ouais, d'accord. D'accord, okay, ouais. Alors, deuxième conseil. Deuxième conseil, on accueille Nicolas, 17 ans, de Mandin. De Moulin, bonsoir. De Moulin, pardon. Bonsoir. On écoute Fun Radio sur 93.4 et toi, t'as un petit problème dans ton lycée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Attends, il va le faire, parce que sinon il sert à quoi d'être là, l'auditeur si, vas-y, explique-nous. Même si t'es au courant, tu dis rien. Alors, explique-nous. Je suis au lycée et j'ai un gros problème parce qu'en fait personne ne m'aime. Mmh. C'est-à-dire que je suscite un peu la jalousie puisque j'ai de très bons résultats. Et bien tout le monde est jaloux de moi et j'ai des problèmes puisque donc je n'ai pas d'amis. Et d'ailleurs ils ont tous intercepté mon numéro de téléphone et toute la nuit on me téléphone, je me fais harceler. Et puis voilà, donc je voulais savoir comment je pouvais essayer de rattraper ça et de devenir un peu plus populaire. D'abord ce qu'il faut savoir c'est pourquoi les gens ils t'aiment pas. Si c'est physiquement ou si c'est moralement ou je sais pas. Alors je sais pas trop, mais je pense que c'est avant tout à cause de mes notes en fait, parce que mes camarades ne sont pas très intelligents et puis moi je peux dire que je le suis beaucoup. Et, ah ouais d'accord, bien. Donc t'es un surdoué, on peut le dire. Peut-être, oui, je sais pas. C'est quelqu'un qui réussit bien à l'école et eux ça les embête. Oui, je réussis, mais je réussis tout seul quoi. Et ça m'agace, je voudrais enfin me faire des amis et être un peu plus populaire quoi. Non, Nicolas, oui. Je m'excuse de te couper là. Tu dis que t'as pas d'amis. Mais comment que ça se fait que les gens ils ont pu avoir ton numéro de téléphone? Eh ben, disons, je pense que certains ont des liens vers l'administration, certains ont des parents professeurs, et puis même de toute façon certains professeurs ne m'aiment pas et ça les agace beaucoup de me mettre des bonnes notes et. Nicolas. Je pense pas que ce soit les professeurs qui donnent ton numéro comme ça. Ils ont accès au dossier, et puis. Personne ne m'aime dans cette école. Non, mais Nicolas, pour bien se dire une chose, que ton numéro de téléphone. Oui. Personne ne peut l'avoir à part la directrice. La directrice. Enfin, donc, fais confiance à Gérard, il en connaît. La directrice ne peut pas donner ton numéro de téléphone comme ça. Elle n'a pas le droit. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, Gérard, ton numéro de téléphone a été intercepté. Oui, ça arrive, regarde toi aussi, mais bon, ça peut arriver que. Ouais, mais demain... Oui, Gérard, tout le monde a ton numéro de téléphone, on ne sait pas pourquoi. Non, Rigo, c'est donc, pas moi. Donc, pour en revenir à ton petit problème, là, je pense que là, si les personnes ne t'aiment pas trop, c'est peut-être que tu leur as fait quelque chose ou... Non, justement, est-ce que t'essayes de discuter avec eux ou pas? Oui, bien sûr, mais tout de suite, c'est les insultes sur mon physique parce que j'ai pas un physique très avantageux. Hein. Bon, alors, sans indiscrétion. Ouais, mais ça, tu vois, tu t'en fous de ce que tu dis. S'ils disent que t'es pas beau ou quoi que ce soit, ça les regarde pas. Du moment qu'à l'intérieur de toi-même, t'as du cœur et que t'es gentil, y a pas de problème. Oui, mais bon, je suis gentil, mais tout seul et je voudrais être gentil avec les autres maintenant. Bon, sans indiscrétion. Oui. Tu pèses combien? Ah, donc non, on en revient au poids. Je pèse 65 kilos pour 1m80, mais... Bon, ça va, bon, c'est pas... Mais attends, Nicolas... C'est mon visage, c'est-à-dire que je fais assez vieux et je perds un peu mes cheveux et j'ai une sorte de nom de barbe. Arrête, Gérard, toujours de non, tu veux jamais croire personne. Attends, aide-le, le gamin. Moi, je te conseille de mettre une perruque si ça va pas. Une perruque avec un chapeau et puis les gens ils peuvent pas voir à l'intérieur de la tête. Mais à 17 ans, ils perdent des cheveux. Non, mais attends. Mais ça se peut, tu vois, t'as des gens qui perdent leurs cheveux même à 15-16 ans. Bon, bah toi, tu les perds aussi. Bah ouais, mais moi je les perds, mais moi c'est pas la même chose. Moi j'ai des tresses. Donc c'est pas la même chose, on parle pas de moi d'abord. Je vais pas faire des tresses. Ouais, sinon qu'est-ce que je veux dire, comment t'en sortir? Bon, le mieux. Bon, maintenant je pense moi le seul truc que je vais te conseiller, si personne t'aime et puis que personne veut te parler, c'est que on va voir Quasimodo dans ces cas-là. T'as pas essayé de sortir en boîte ou pour rencontrer du monde ou Bah, merci, j'ai essayé, mais de toute façon, les gens me rayonnaient tout de suite. Mmh. Et puis bon, depuis, j'ai changé d'école deux fois à cause de ce même problème. Mais qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, je vous appelle pour ça, en fait, pour le savoir. Parce que vous, à l'école, est-ce que vous étiez apprécié ou vous aviez le même problème? Ah non, mais moi, de toute manière, j'ai toujours eu les mêmes problèmes et c'est pas pour ça que je m'en... Moi, à l'école, j'étais très apprécié par les conneries que je faisais. Bon, bah ça. Je mettais tout le monde en boîte et là ça faisait rire tout le monde, mais j'étais bien appréciée par contre. Ah d'accord, je dois faire des conneries donc en fait. Non, mais ce que tu dois faire c'est... Tu dois faire c'est surtout faire rire les gens. Et là, dès que tu fais rire les gens, peut-être qu'ils auront une autre image de toi. Ça, parce que je suis pas très drôle à la base, donc comment puis-je apprendre à être drôle? Bah je sais pas, tu leur inventes des blagues par exemple, soit des blagues ou soit tu vois des jeux de mots, comme tout à l'heure je disais, je parlais des amandes et en fin de compte c'était les amandes pour manger et puis les amandes pour Ah ouais, c'était hilarant ça. Mmh. Dis donc, oui. Un petit conseil que je vais... Ah bah ça a peut-être temps que tu donnes des conseils, c'est un peu pour ça qu'ils appellent les gens. Hein. Une petite question que je vais te demander. Est-ce au sexe opposé, est-ce que t'as une copine dans la vie? Voilà. Non, disons, je n'ai pas d'amis, mais pas d'amis non plus. Hein. Non mais attends, ce que moi j'ai c'est que tu transformes les conseils en libre antenne. Les conseils, il faut rester avec lui, ses problèmes à lui, personne. Qu'est-ce que tu lui parles de copine même, hein. Il a un problème de physique, il a du mal. Comment on peut lui trouver une solution? Faut plutôt te mettre à la place de la personne qui t'appelle. Imagine, t'es à la place de lui, t'as 17 ans. Personne subit ça, toi aussi, tu devrais pouvoir m'aider. Ouais, mais attends, moi, quand j'étais à l'école, je m'amusais avec des stylos à faire des petites boulettes et à les balancer sur la maîtresse. Je suis une maîtresse, moi, c'est fini. Et franchement, je suis plus au primaire. Est-ce que tu peux me dire comment t'es habillé dans la vie courante ou c'est peut-être pour ça aussi? Ben, c'est-à-dire que je mets des jeans normaux, hein, peut-être un peu courts, hein, c'est-à-dire que ça m'arrive à un peu au-dessus de la cheville. Comme un peu les babacool. Moi, je te plais, t'es gentil, quand même pas. Mais attends, Nicolas. Oui. Non, mais je sais pas, moi, j'ai connu. Non, mais attends, Nicolas, des jeans, tu peux très bien trouver autre chose que des jeans. Alors, que me conseilles-tu? Bon, alors déjà, on va faire vite, là, hein, quand même. Hein. Tu préfères quoi? Cela, on va abréger, parce que là... C'est-à-dire un style qui fasse jeune et surtout qui me fasse venir des amis. Alors, ami. Bon, alors un style ami. Bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, apparemment c'est toi qui a quelque chose qui va pas dans ta tête. Parce que c'est pas que les gens, personne ne t'aime, c'est toi qui veux pas essayer d'aller au-delà. Mais je ne fais que ça, hein. C'est à chaque fois que je vais les voir, de toute façon je suis rejeté, hein. Même quand c'est la première fois que je vois les gens, ils nous voient tout de suite et je sais pas. Non, tu peux pas être rejeté dès la première fois. Ça m'est arrivé. Et tu m'as dit, tu mesurais combien? 1m80. 1m80. Et c'est peut-être pas non plus, enfin, à cause de ta taille ou parce que les gens ils te trouvent un peu trop grand ou... C'est pas très grand, hein. Je connais beaucoup de monde qui sont plus grand que moi. Et moi, je suis 1m80. Et dans la vie quotidienne, t'as des gens qui font plus d'1m80 ou moins d'1m80? Bah, plus et moins, il y a de tout. Hein. Je suis dans une moyenne, je pense. Bon, alors, je pense que parce que là, on fait très long et je trouve que vous donnez mal de conseils ce soir. Vous avez du mal, hein, ce soir. Bah, c'est vrai. Hein. Bah, vous posez des questions, mais il n'y a aucun conseil. Donc, le conseil pour conclure, Gérard et Sandy? Bah, le conseil, c'est que, qu'il change de look et puis qu'il essaye de sortir puis d'aller voir du monde devant. Et voilà. Moi, je te conseille de rester toi-même. Et puis de faire rire les gens si tu peux y arriver à les faire rire. Et puis tu verras, t'auras des amis qui vont t'aimer, hein. Voilà. Tu vois, les gens ils sont pas tous méchants, hein. Il y en a qui sont méchants parce qu'ils te rejettent, mais ils sont pas tous comme ça, hein. Très bien, je vous remercie. Merci. Au revoir. On va accueillir parce que on a passé directement au suivant. Là, on a juste une minute, mais juste pour commencer à discuter un peu avec elle, puis on reviendra juste après. Donc, Catherine, 24 ans de Chambéry. On peut écouter Fun Radio sur 95 FM à Chambéry. Bonsoir à toi, Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Sandy. Bonsoir, Max. Bonsoir, l'équipe. Salut, Catherine. Je sais pas si on vous a dit, c'est mon anniversaire dans 15 jours. Mmh. Et j'aimerais avoir un chien comme cadeau. Et j'aimerais que vous me conseilliez sur le chien, sur le nom que je pourrais lui donner, et puis sur la manière de m'en occuper, quoi. Déjà, quel genre de chien tu préfères? Bah, j'aime bien les gros chiens, moi. Attends, justement, avant de commencer, t'habites où? En appartement ou en pavillon? J'habite en un petit appartement. Alors, je te déconseille les gros chiens. Oui. Mais ça, parce qu'un gros chien dans un appartement, tu fais quoi du reste de ta journée? Ah, c'est con, je crois qu'elle voulait un dog allemand en plus, non? Bah, je voulais un dog allemand ou un labrador, alors. Ouais, mais tu fais quoi du reste de tes journées? Je suis à la faculté. Ah ouais, bah alors là, le chien, il va s'ennuyer. Mais non, bah regarde, si elle le sort le matin et qu'elle le sort le soir quand elle rentre, tu rentres à quelle heure? Ah, il faut le sortir. Ah bah oui, sortir, hein. Mais attends, tu as pas laissé un chien dans l'appartement pendant 12 heures, bah, alors qu'il va te pisser partout ou chier partout. Bon, ce que je vous propose, on va faire une petite pause, parce que là on est un petit peu pris par le temps, hein, comme ça ils vont réfléchir à ton conseil très rapidement. Uh-huh. Et on terminera avec Thibaut qui a 25 ans de Dinan, encore un conseil à vous demander. Il a deux enfants de 3 ans, mm-hmm. des jumeaux, et demain, vous le savez que c'est lundi de Pâques, il aimerait cacher les œufs dans le jardin, parce qu'il a une petite maison avec un petit jardin, il voudrait des petits conseils pour savoir où cacher les œufs. Ouais, mais non. En espérant que les enfants n'écoutent pas. Ah ouais. J'espère qu'à 3 ans, à cette heure-ci, ils dorment. J'espère aussi. Par contre, il y en a un. Film de cul sur Canal. Non, mais il y en a, il va se prendre une claque. Voilà, parce que. On va revenir donc avec la suite et fin de cette radio libre Nouvelle Génération avec les conseils de Gérard et Sandy. Et puis, dans un cadre également, ça sera Balade Nocturne qui va se préparer. Où vous aurez d'ailleurs des musiques de nuit volume 4 à gagner pendant toute l'heure de. De Gégé et Sandy. Voilà, suite et fin des conseils de Gérard et Sandy. On récupère, comment elle s'appelle déjà? Catherine, 24 ans de Chambéry. On écoute toujours Fun Radio sur 95. Faut faire vite. Hein, on n'a pas beaucoup donc, de temps. Donc, alors, pour toi, Catherine, apparemment, tu as un chien. Je souhaiterais avoir un chien, voilà, pour mon anniversaire et je ne sais pas quoi prendre. Bon, alors, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas en prendre un gros d'entrée. D'accord, parce que tu prends un petit. Ouais, tu prends un petit chien. Qui grandira après, mais petit au départ. D'accord. Moi, je te conseille un chien particulièrement, c'est les petits Yorkshire. Parce que tu vois, là, ils ne grandissent pas. Et ça fait que tu peux même le mettre dans un sac et là, tu peux l'amener partout. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas à la fac, tu peux l'amener. Oui, ou même à la piscine, tu l'amènes et puis. Ah non, les chiens sont interdits dans les piscines, hein. Mais moi, ce que je te conseille, c'est va à la SPA parce qu'ils ont des très. Non. Ouais, mais. Ils ouais, ont mais... des Yorkshire à l'SPA. Oui, mais par contre, là, si tu vas chercher un chien à l'SPA, faudra bien te dire une chose. Regarde s'il est bien vacciné et tatoué voilà. Surtout. C'est parce ça que des fois, tu vois, ils te donnent des chiens, enfin, ils te vendent des chiens ou des chats et c'est pas très bon. Hein. Mais ouais. tu demandes déjà s'ils ont des petits chiots, parce qu'apparemment, vu que t'es en appartement, il faut un petit chiot. Faut ah pas oui, prendre. Faut un petit chiot, ouais. Pour pas prendre tout de suite un gros. Déjà pour qu'il s'habitue à la personne et puis. Voilà. Bah, de toute manière, toi, tu t'habitues facilement aux animaux. Ouais, mais moi je suis pas un chien. Non, mais c'est des conseils de. Non, mais. Pas pour Sandy. Ce que je peux. Le conseil que je peux te donner, c'est. Très donc, très vite, vraiment. Donc, tu vas là, SPA, tu vas chercher. Tu demandes aux personnes qui sont là, qui sont spécialisées là-dedans et qui vont te conseiller pour savoir ce que tu recherches. Comme chien. Déjà, de savoir, ils vont te demander si c'est un appartement ou une villa et ils vont te conseiller après sur le chien. Okay. Mais renseigne-toi bien s'il est vacciné, tatoué. Voilà. Et essaye d'avoir le carnet de santé avec toi tout le temps. Ça, c'est tu le demandes au chien sinon. Hein. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait te conseiller. Ok, bah je vous remercie. Par contre, deux secondes, on perd du temps, on n'aura pas le temps, il nous reste 22 minutes. Vite fait, une chose qu'il faut bien se dire, c'est que le chien essaye de le sortir au moins deux fois par jour. D'accord. Okay. Voilà. Et donne-lui à manger aussi. On t'embrasse très fort. Je t'embrasse. Merci à toi. Et vite fait pour terminer, comment il s'appelle Alors, nous allons accueillir Thibaut, 25 ans, Dinan, où on peut écouter Fun Radio 103.5. Bonsoir Sandy, bonsoir Gérard. Bonsoir Thibaut. Alors Thibaut, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vrai. Donc, tu as deux enfants, deux jumeaux qui ont 3 ans chacun. Oui, très bien. Et tu as un petit jardin et tu souhaites cacher les œufs de Pâques. Non, justement, j'ai un très très grand jardin, c'est-à-dire j'ai une grande propriété de 50 hectares. Mmh. Et je suis embêté parce que je ne sais pas où les cacher. Bon, alors vite fait, il nous reste une minute, vraiment, pas plus, et après je zappe vite. Parce moi, que ce que je peux te conseiller, c'est de cacher les œufs, tu vois, sous la terre, c'est-à-dire sous les buissons. Si tu as des petits buissons ou même sous les arbres. Non, mais je n'ai pas de buissons, c'est-à-dire mon terrain, c'est continuellement de terrain de tennis et de cours de golf, et donc je ne sais pas trop où les cacher. Hein. Mais il y a des arbres. Donc c'est assez grand. Non, il y a des arbres, il y a des 50 hectares. Hein. Mais il faut que ce soit près de la maison. Il y a des arbres. Thibaut. Oui. Est-ce qu'il y a des haies? Des haies oui, mais tout autour du terrain, c'est-à-dire que c'est très très grand. Eh ben, tu les planques dessous. Non mais c'est-à-dire que c'est tellement grand que les enfants n'ont que 3 ans et ils pourront jamais les retrouver. Bah attends, mais à 3 ans ils savent se mettre à 4 pattes pour retrouver les œufs quand même. Moi je te conseille sous les arbres. Bah sous les, c'est un genre d'arbuste hein. Ouais, ou même sous les buissons, c'est bien aussi hein. Non, regarde, sous là, la terre. Là tu vois, moi je te mets un œuf de Pâques, je te demande d'aller le chercher. Ouais. Tu vas bien me le trouver. Ah bah ça dépend hein. Oui. Hein. Donc voilà, moi c'est ce que Mais sinon, règle générale, pour les parents qui nous écoutent, là, qui ont des enfants, même dans l'appartement, les endroits vraiment clés dans lesquels on peut cacher comme ça. Les endroits clés dans un appartement, le plus facile à planquer, c'est dans le frigo ou sous les têtes d'oreiller des enfants. Voilà, c'est mignon. Quand tu perds une dent, tu vois, t'as la petite souris qui passe. Et évitez de le mettre dans un placard à 3 mètres de haut parce que là. Parce que là, les enfants, ils pourront pas. Ils vont galérer. Ils feront pas. Malheureusement, on a été obligé d'écourter les conseils de Gérard et Sandy. On vous remercie à tous les deux d'être venus dès 22h. Ça nous a fait plaisir. Ça a mis de l'ambiance, c'est vrai. Peut-être que dimanche prochain, vous reviendrez à 22h. On verra. Hein. C'est moi qui te remercie. Il n'y a pas de problème. Et puis, on remercie Manu. De rien. Hein, qui a été fatigué, peu présent, mais voilà. Non, c'est faux. Hein, c'est faux. Ah, d'accord, ok. Fildar. Ouais, salut. Salut, et Rigo, qu'on a perçu entre 10h et 10h15. Bonsoir. Bonsoir, Rigo. Et merci à Gérard et à Sandy. Merci. À demain. À demain, voilà, vous le voulez bien. Nous, on va rester ensemble, là, bien sûr, vous qui nous écoutez, puisque nous allons aller en direction de Balade Nocturne. Oui, Gérard, je t'en prie. Je voulais remercier tous les gens sur l'internet. Ouais. On est combien, Rigo, pour finir, s'il te plaît? La dernière fois que j'ai regardé, on était 3500 au moins. Voilà, plus de 3500, bravo. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment. Moi non plus. Bon, on en parlera la prochaine fois, Gérard. Ouais, il est déjà une minute passée de l'horaire prévu. Et juste pour terminer, en parlant de l'internet, ça tombe bien qu'on revienne dessus pour dire qu'on vient d'arrêter le classement du hit parade de Ricky Larsen, qu'on retrouvera demain avec Bubu pour savoir qui est, on dit pas attention, hein, qui est les trois premiers. En tout cas, il y a du nouveau.